Yeah. Se move. C'est la folie dans l'ambiance. À vous de foutre le bourse, on va allumer le feu, foutre le bordel dans la France. Vas-y, perturbe la place. La vie est dure, ça brasse. La weed est pure, ça casse. Comme un conduit de volerie devant ses clous, on le va bibelle sur la face. Mais eux aussi, ils doivent se marrer. Tant que tu vois ton dossier, eux peuvent se parler. Ils appellent ça démocratie. Bande d'enfoirés, 200 ans d'oligarchie. Quelle fin de parée. Mais moi, comme un vieux sage, j'observe et déduis que vos grimaces, c'est votre linge, que votre savoir est réduit. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai l'écrou, j'ai un creux naturel, primitif, un animal instinctif, bestial. pourrais troquer le temps pour tes yeux. Mais sérieux, laisse-moi te croquer dedans. J'ai trop fait le gain à vouloir stopper le vent. Est-ce que tu crois que tous les deux on pourrait sauver ce plan ou pas? Laisse-moi te goûter. Allez, viens après on se prend la patte. Et fais-moi douter, laisse-moi t'écouter. Viens me raconter que la terre est plate. Dis-moi que la vie est belle, je te croirai. Pour toi j'aiguiserai le fer et je le croiserai. Ton casse croisé, ma tête ne veut-tu pas se porter mon lit? Ma jolie, toute la soirée. Y'a de la place pour toi dedans. Y'a même la place pour toi dedans. Mais c'est toi que j'attends. Tu sais qu'il mangera pour le nom. Et que pour le nom, j'ai pas le temps. Alors que tu m'as un peu. J'ai jamais su y faire avec les deux. Tu m'as un peu. certitude d'être payé. Et juste peut-être semblé de suivre comme des animaux crier, lève les bras, l'idiot, croire que c'est beau la vie, comme chez Haribo. Quand tu voulais des lingots malgré les paraphrases, amasser les liasses qui t'a donné ton, j'en ai déjà des trous. La France, j'en ai pas, je suis chaud. La bourse, c'est du casino. Là, le casino, j'ai pas casino, un calme. Casino, une camisole, les cartes, les os. Ramène des fous qu'on jacque. L'affaire est triste avec les gens sans esprit. Ramène et tous vont se battre. Donnons de la peau, pas du vision sans défi. Avec le faux contact. Au nom du flair, du twist, je suis un homme. We'll be right back. veux faire un tour de repos. Vas-y, choisis la mort, la folie. La folie pour gâcher ta vie. Voir de l'eau, il faut capter que la beauté. C'est pas, c'est l'amour pour lui, mais bien faire un tour. C'est dément de se demander si c'est difficile de s'endormir sous acide. Mon cage, dégage tout, je rate. Fois en bougeant les bras sur du rat. Le candidat fond sur moi, je tombe de bac à mon carma. Et comme une j'ai ton ton garçon. Les pupilles en peur, mais ça n'est moins dans l'or. Que mon esprit par mon monde. Basta, et mépris ça quand on passe à l'action. J'ai dit tout ça s'effondre et je me fous. Thank you. Mais tu testes mes bras, non mec c'est faux, je te prends. c'est un chat à tomber. Tout comme un type chaud, bah, tu m'as tombé pendant qu'il parle. J'ai une vraie street crédibilité. Tu sais, incongru, moi je réfléchis dans les champs. Rêve en aidant les gens, des fois je suis dangereux, c'est vrai. Mais bon, je suis pas méchant, juste fâché. Des fois je suis fâché de savoir que pour un sachet de weed on peut t'attacher. Le système ne va pas, je l'aurais déjà clashé. Heureux, pas le choix, du coup faut lâcher. Arracher le bonheur, enfin pour quand même attacher. Se battre quand même, finir marcher. La loi du marché, que je suis caché. Que je marche droit, que je crois que je peux pas marcher. Je préfère ne pas lâcher. Juste des fois, je suis de fou, comme je fais chier. Et ça fait vite qu'on a pour moi, que pour savoir de ce qu'on a. Que je ne parle pas souvent de moi, que je ne sais pas si t'as remarqué. Mais il faut te battre pour moi, et tout de suite, ça tourne comme un jeune homme. Et je te bats tandis que de la bœuf se roule, de la bœuf se vend, un peu partout en France. Dommage, l'État n'en veut pas dans ses finances. Mais de la bosse au fil, monsieur le président. C'est comme ça, tu veux tester ça. Produisons des anarchistes et des pauvres. Des pauvres, des pauvres, des pauvres, des pauvres. Des pauvres, des premiers en fait. Des fous, des secrets, des rois à cheval. Sur les principes, ils ont fait des lois. Mais qui tient les vents, allez leur dire que c'est notre tour. Moi j'en paierai les vents, et lui on dirait qu'ils sont sourds. Ils passent la mort, ils brûlent, respectent les lois. We'll be right back. See you. Thank you.